7. A. Pardon, monsieur. Je peux vous poser quelques questions? Oui, c'est pourquoi? C'est pour Radio Centre. Nous faisons une enquête sur les modes de vie des Français. Bon, d'accord. Allez-y. Est-ce que vous avez une vie saine? Ben, oui, je crois. Et qu'est-ce que vous faites pour ça? Ben, je marche beaucoup. Je vais au travail tous les jours à pied. Ça fait 30 minutes, matin et soir. C'est pas mal, non? Non, oui. Et puis, je ne fume pas et je ne bois pas de café. Et vous faites attention à votre alimentation? Ça dépend. Vous savez, j'aime manger. Et je mange un peu trop. Et j'adore la viande. Ah, très bien. Merci beaucoup, monsieur. Et bonne journée. Au revoir. B. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Nous faisons une enquête sur les modes de vie des Français. Pensez-vous que vous avez une vie saine? Ben, oui et non. Pourquoi? Oui, parce que je suis assez sportive, en fait. Je fais du tennis tous les vendredis. Et non, parce que je sors beaucoup. Je dors peu, 4 ou 5 heures par nuit. Et votre alimentation? Je mange de tout. De la viande, des légumes, des fruits. Ouais, beaucoup de fruits. Est-ce que vous fumez? Ah non, ça non. Jamais. Par contre, je mange beaucoup de sucreries. Les sucreries, c'est ma passion. J'en mange vraiment beaucoup. Bon, ben, merci. Mademoiselle, au revoir. Au revoir. C. Madame, s'il vous plaît. Oui? Je peux vous poser quelques questions? C'est pour Radio Centre. Nous faisons une enquête sur les habitudes des Français. Oui, d'accord. Pensez-vous que vous avez une vie saine? Une vie saine? Non, pas du tout. Pourquoi? Pourquoi dites-vous ça? Je travaille trop, je fume vraiment beaucoup. Un paquet par jour. Et puis je fais pas de sport. Pas de sport du tout? Bon, si, quelquefois, un peu de natation, mais pas de façon régulière, j'ai pas le temps. Bien, bien, bien. Merci beaucoup, madame, et bonne journée. Je vous en prie.